Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 71.0. De retour au Lobster régulier après deux épisodes radio de CJPM 89.3. Je sais pas si vous avez aimé, mais moi, ça m'a amusé de préparer ça. S'amuser avec la dérision et l'ironie, ça change les idées, surtout en temps de crise, de pandémie, d'invasion de fourmis, de choléra, de grippe espagnole, de peu importe ce qui vous affecte. On est dans la merde en ce moment. Sinon, le printemps est arrivé, chez moi en tout cas. Dehors, mes bulbes de crocus ont laissé sortir trois jolies fleurs mauves. C'est donc officiellement le printemps chez moi. Quand ces premières fleurs sortent, c'est signe que l'hiver est fini. Même mon ail est en train de sortir. Et je dois dire, cette année, j'ai pas trouvé l'hiver trop dur. Même si lundi dernier, on a eu un petit épisode de neige, c'est disparu assez vite. Les belles températures au-dessus de zéro semblent être arrivées. J'ai aussi été voir à mon compost, il est magnifique, si on peut dire qu'un compost est magnifique bien sûr. J'ai comme une grosse boule de plastique sur le terrain que je remplis de déchets de cuisine et dans lequel j'ajoute de la terre de temps en temps. Et là, après un an, j'ai un beau compost, c'était même chaud à l'intérieur de la boule, signe que ça travaille. Yeah! Yeah baby! Yeah! J'ai aussi été faire un tour dans ma serre, ça sentait bon, ça sent la terre humide, ça donne le goût de partir les semences. Je voulais partir mes semences ce week-end, mais il me manque des choses, il manque de la terre à semences notamment, et comme je veux pas faire de sorties inutiles, je n'ai rien parti pour l'instant. Pourtant, j'ai plein de choses à semer. L'année passée, j'avais ramassé toutes mes graines de piment fort et en avait commandé de différentes sortes. Donc cette année, je pourrais en semer des centaines. Je dois avoir 500 graines. Je vais voir combien j'en démarre. Mon frère avait dans l'idée de faire des sauces au piment, mais cette année, je pense que nos plans qu'on avait vont être un peu différents. On va voir. Pour les piments jalapenos, je les vide toujours quand ils sont prêts dans ma serre et je les fais sécher dehors au vent. Et ensuite, je les attache tous sur un fil en forme de chapelet que je laisse accrocher dans ma cuisine. Et quand j'en ai besoin, j'en broie dans mes recettes. Je viens justement d'en utiliser un dans une soupe de wonton avec crevettes et oignons. J'ai juste mis un jalapeno broyé et la soupe est devenue pas mal forte. Sinon, bien sûr, je vis sur la même planète que vous et je suis frappé par la pandémie. Le Québec est entré comme il faut dans le bain de la pandémie la semaine passée. Quand l'OMS a annoncé que c'était rendu une pandémie le 11 mars, les mesures ont commencé au Québec quelques jours après. Et depuis, on a droit chaque jour à des surprises. Au début, c'était drôle de voir les gens se ruer sur le papier de toilette. Ça a été la première réaction. Maintenant, on sent que ça va être moins drôle plus ça avance. On est en route vers l'inconnu. Mais bon, on garde le sourire. Ici, il faut dessiner des arcs-en-ciel et se dire que ça va bien aller. Donc, on va se concentrer sur d'autres sujets pour se changer les idées. C'est ce qui est bien avec les podcasts, c'est facile de vous rejoindre. Moi, ça m'amuse de le préparer et vous, j'espère que ça vous amène un peu de divertissement. Faites juste vous laver les oreilles avec du savon après écoute et ça va être correct, j'imagine. Côté BD et comics, dont j'aime vous parler habituellement, je devrais continuer à être approvisionné. Mes abonnements rentrent à la boutique, mais moi, je peux plus aller à la boutique. Mais le proprio a déjà mentionné sur Facebook qu'on pourrait se faire envoyer nos comics par la poste. Donc, tous les 2 à 3 semaines, je vais me faire livrer mes achats et avec Facebook, ils nous montrent encore les nouveautés qui arrivent en magasin, même si la boutique est fermée et je peux acheter ce que j'aime. Donc, grâce à Internet, tout devrait continuer comme à l'habitude. Sinon, j'ai entre les mains encore plein de choses dont je peux vous parler. Les conséquences de la crise, je dépense plus. Je vais plus au resto, je peux plus aller m'acheter de BD ou de comics. Ma grosse dépense reste l'épicerie. Je sais pas si j'ai abusé, mais ma première semaine de crise pandémie, ça a bien dû me coûter 700$. J'ai acheté tout ce que je jugeais nécessaire et que je voulais pas manquer. Exemple, du miel. J'en ai pas tout le temps à la maison, mais je me suis dit, si jamais j'attrape cette cochonnerie de virus, je vais sûrement être content d'avoir du miel pour me soulager la gorge. Sinon, un autre exemple, du Gatorade. J'en achète pas habituellement, mais pour s'hydrater rapidement et avec bon goût, je me suis dit que ça pouvait être une bonne solution. Donc, j'en ai acheté. Bon, on écoute tout de suite une chanson du groupe Yes, la chanson I've Seen All Good People, une chanson qui est comme en deux parties, avec de la flûte à bec. On l'écoute et au retour, des invités? Non, juste moi, comme d'habitude. Mais mon eau chaude devrait être prête, je vais avoir un bon thé à boire. Donc, on écoute la chanson d'Yes et au retour, je prends le temps de vous raconter le rêve que j'ai fait dans la nuit de lundi. C'était tellement ridicule que je l'ai noté à 2h AM pour être sûr de ne pas l'oublier. J'ai rêvé de pandémie et de notre premier ministre canadien, Justin Trudeau. Donc, je vous raconte mon délire après la chanson. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the White Queen run so fast, she hasn't got time to make you a wife. 'Cause it's time in time with your time and this news is captured. Dans la nuit de lundi à mardi, le 24 mars à 2h44 du matin, je me suis réveillé en pleine nuit à cause d'un rêve. Et c'était pas un cauchemar, non, un beau rêve où je me sentais bien. Et j'adore ça à chaque fois que je me réveille en plein rêve de voir comment notre subconscient s'amuse avec les choses qui se sont passées dernièrement et mélange tout ça. J'étais même surpris de voir que dans mon rêve, ça parlait de porte à porte, car justement, dans ma ville, la mairesse avait écrit dans la journée qu'ils avaient dû intervenir auprès de gens qui faisaient du porte à porte pour offrir des services de lave-auto à la main. Une très mauvaise idée en temps de pandémie, le porte à porte. Bref, ça s'est retrouvé dans mon rêve comme le reste. Je vous raconte. Mon rêve se passe durant la pandémie. Je suis chez moi en confinement et ça frappe à la porte. Je vois au travers de la vitre de la porte qu'il y a une jolie femme qui attend que je vienne répondre. Je lui ouvre. C'est Salomé Corbeau, l'animatrice québécoise qui fait du porte-à-porte pour vendre des billets pour le Festival de Québec. Je reste gentil, mais lui montre l'intérieur de ma maison et lui dis « Regarde, tu vois bien que j'ai pas le temps. » À l'intérieur de chez moi, c'est rempli de monde. Rempli de femmes, en fait. Je suis entouré de femmes et on est en train de défaire un gros épicerie, car on est tous en isolement ensemble pour la pandémie. Donc, Salomé repart, déçu de ne pas pouvoir me vendre ses billets. À ce moment, le téléphone sonne. C'est encore Salomé Corbeau. Elle veut encore me vendre des billets pour son festival. Mais dans la maison, c'est le gros brouhaha. Tout le monde veut lui parler. Et dans une chambre, des enfants s'amusent à décrocher le téléphone pour parler aussi sur la ligne. C'est le bordel. Donc, tant bien que mal, j'arrive à entendre son discours de vente. Et là, ça frappe encore à la porte. C'est Justin Trudeau, notre premier ministre, qui arrive de chez Costco avec le reste de l'épicerie qu'on a commandée. Justin nous dit qu'il ne reste pas, que l'épicerie est gratuite, sauf pour cette boîte de cornets au vrai sucre d'érable qu'il a acheté pour lui et qu'il veut que je lui redonne. Mais je regarde les cornets de sucre d'érable et je les veux pour moi. Donc, je me dépêche de les toucher, je mets mes mains partout sur la boîte et dis à Justin « Tu peux pas partir avec, je leur ai touché. Et avec le virus, c'est pas une bonne idée. » Il est pas content, mais je lui offre de lui payer les cornets. Je commence alors à sortir de l'argent de mes poches de pantalon. Une première liasse de 20$. Dans une autre poche, encore plein de 20$. Je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de sortir de l'argent que je laisse tomber sur le plancher par terre. Plancher qui finit par se remplir d'argent. Encore au téléphone, Salomé est toujours là. Je lui dis que j'ai pas le temps, que Justin Trudeau est là. Je lui passe le téléphone pour que Justin dise bonjour à Salomé. Quand Justin me repasse le téléphone, je dis finalement « C'est correct, je vais t'acheter 2 billets pour ton festival. » Et là, je me suis réveillé. C'était quand même cool comme rêve, donc je sais pas si c'est un rêve prémonitoire, mais j'imagine que je peux accueillir au moins 10 de femmes à la maison durant le confinement. Maintenant, après une bonne gorgée de thé, la gorge bien réchauffée, ça va me permettre de vous parler d'un sujet chaud, le nouveau jeu que prépare l'équipe de Sabotage. Je vous ai déjà parlé de Philippe Dion, il avait fait la page couverture de mon livre Le jeu de la reine, et lui, il est dans l'équipe de Sabotage qui a créé le super jeu de Messenger. Et là, ils viennent de lancer un Kickstarter pour leur prochain jeu, Sea of Stars. On écoute la musique en background en ce moment du preview. Évidemment, vous ne pouvez pas voir les images de ce prochain jeu, mais c'est comme un Chrono Trigger pimpé. Je vous lis la description. Ça raconte l'histoire de 2 enfants du solstice qui combinent les pouvoirs du soleil et de la lune pour arriver à faire une éclipse magique. Seule force capable de combattre le méchant alchimiste de Fleshmancer. Le jeu va être un RPG turn-based. Les images que la vidéo nous présente sont déjà magnifiques. C'est juste un preview, mais c'est déjà beau et donne le goût de jouer. Leur Kickstarter n'a pris que quelques heures pour ramasser l'argent demandé. Moi, j'ai participé, donc je vais obtenir une copie du jeu à sa sortie en 2022. Oui, c'est loin, mais il faut leur donner le temps de développer le jeu. Leur premier jeu a juste eu des bonnes critiques, donc j'espère qu'ils vont faire aussi bien. J'ai déjà hâte d'essayer ce nouveau jeu. Donc, ceux qui aiment les jeux à l'allure rétro, vous pouvez aller voir pour Sea of Stars du studio de Québec Sabotage. Le Kickstarter vous permet de l'acheter à l'avance. Sinon, parlant de jeux, moi ces temps-ci, j'ai ressorti mes grands classiques pour me changer les idées. J'ai débuté par Hero of Might and Magic 3. C'est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour développé par New World Computing et publié en février 1999. Même si ce jeu a plus de 20 ans, c'est toujours le fun et le niveau de difficulté est là. Ensuite, je me suis aussi démarré une partie de Fallout 4. Mais je suis en pause. J'ai trop joué et ça finit par me donner mal à la tête. J'ai abusé quelques soirs et là, c'est pas le temps de m'exploser la tête. Sinon, Civilization 3 reste un bon choix de jeu si vous vous ennuyez. Et bon, paraît que la musique fait du bien en ce temps de crise. Donc, on écoute Pink Venus du groupe Les Incendiaires, un groupe montréalais, qui sera précédé de Karma Girl du groupe pop rock que vous connaissez peut-être, le groupe Indochine. Un groupe qui nous livre encore des chansons qui font plaisir à écouter. On les écoute. Je sais de toi, tout de toi, mon ami, bien je sais tout de toi, je sais tout de ta vie. De retour dans cet épisode du Lobster qui, vous l'avez remarqué, ne sort pas au rythme régulier de un par semaine. Donc soyez compréhensifs, on a tous vu nos vies modifiées du jour au lendemain, et sans le vouloir, ça semble avoir des impacts. Par exemple, de mon côté, j'ai totalement perdu le goût de dessiner, ça me tente plus. Donc le projet BD est sur la glace pour l'instant, j'ai remplacé ça par d'autres choses. Je fais de la poterie, j'ai recommencé à faire des cabanes à oiseaux en céramique. Mon plus jeune garçon, lui, fait des monstres. Donc, on réorganise les temps libres pour occuper tout le monde. J'essaie aussi d'aller marcher le plus souvent possible avec mes garçons pour profiter un peu du dehors. Hier, j'ai aussi arrangé mon foyer extérieur. Avec le dégel, il était rendu tout croche, donc j'ai pris le temps de tout replacer, les grosses briques qui forment sa structure, et évidemment, j'ai fait un feu. J'en ai profité pour ramasser le terrain. J'ai ramassé toutes les choses végétales qui étaient mortes. Et je les ai brûlés, et j'ai ramassé aussi les branches, les plants de framboises séchées, donc tout a passé au feu, dans le foyer. J'ai aussi remarqué que mes pivoines sont en train de sortir, les petites pousses rougeâtres sortent comme ils font chaque année au printemps, donc le terrain commence à être plutôt joli. J'ai aussi huilé mon bicycle, et j'en ai profité pour faire un tour de 10 km sur mon île. Hier, c'était une belle journée, il faisait au-dessus de 10 degrés, je ne sais pas exactement la température, mais c'était une belle journée pour se promener. Donc j'en ai profité, j'ai fait un tour d'environ une heure en bicycle, qui m'a permis de voir les beaux paysages ensoleillés de l'île Perrot. Sinon, cette semaine, je suis aussi tombé sur une chanson qui m'a fait sourire. C'est la chanson « Veux-tu venir à mon podcast? » C'est Maxime Gervais du groupe Les Picbois, groupe d'humoristes, qui vient de sortir cette chanson. On l'écoute. Moi, j'ai bien aimé le beat entraînant. Ça fait quelques épisodes du Lobster qu'on n'a pas écouté d'épisodes de Kaamelott ensemble, donc c'est le temps de se reprendre. On en écoute deux épisodes. Pour ceux qui aiment bien Kaamelott, sachez que la bande-annonce du film qui est à venir est disponible sur YouTube. Ça semble très prometteur. Je vous l'aurais fait jouer, mais ça ne parle quasiment pas durant la bande-annonce. On nous montre plutôt les images et j'ai déjà hâte de voir ce film, juste à voir la bande-annonce. Donc, en attendant, on écoute des épisodes de la célèbre série. Bon, Est-ce qu'il serait pas temps pour faire un cul de chouette, les petits frères? Allez. Une petite partie de dés, ça peut pas nous faire de mal. Vous préférez pas jouer à autre chose? Ah non. Moi, je me sens bien pour un cul de chouette. Vous connaissez pas le jeu du pélican? J'ai pas besoin de connaître puisqu'on joue à cul de chouette. Je vous l'apprends, c'est hyper facile, il y en a pour 2 minutes. 2 minutes, vous êtes sûr? Parce que des fois vous dites 2 minutes... Ah non, mais c'est tout con comme jeu, même un débile y comprendrait. Ah non, mais un débile peut-être, mais moi je sens que je vais rien biter et qu'on va finir par jouer à que dalle parce qu'il sera 3h du matin. On essaye 2 minutes et si c'est trop compliqué, on fait un cul de chouette. Tac. Alors pour commencer, il faudrait 120 ou 130 artichauts. Pas compliqué! Celui qui remporte la donne, il classe ses artichauts du plus lisse au plus râpeux! 50 artichauts du plus lisse au plus râpeux, il y en a pour 15 jours! Je vous ai dit qu'il y avait un tour de troc où on peut fourguer 17% de ses artichauts! Si on rachète la banque, au double des points de son voisin, moi la moitié de ses artichauts! Vous le faites exprès ou quoi? C'est ça quand on fait ritournelle? Déjà, c'est ritournelle et pas ritournelle, et vous avez pas le droit de le faire tant qu'il y a encore des artichauts dans la banque! Ou alors vous faites une artichette! Ça fait 3 fois que je le dis! Alors là, vous avez gagné la cocotte! Je vais me coucher! Qu'est-ce qu'il y a? Je m'exprime pas correctement, c'est ça? On comprend pas ce que je dis? Vous voulez me faire passer pour un taré? Et vous pouvez pas me soutenir un peu? Moi, j'y comprends rien. Et faites un effort pour comprendre quand même que je passe pas pour un con à chaque fois. Et qu'est-ce que vous allez en foutre des bouquins sur le Pays de Galles? Un exposé? Ah bah déjà, vu que je sais pas lire, j'ai pas d'en foutre grand-chose. Eh bah voilà, quand on sait pas lire, on fout la paix aux bouquins. Bonne journée, j'ai du travail, moi. Allez, faites pas votre chienne, il faut que je trouve des trucs et j'ai besoin que vous me fassiez la lecture. Que je vous fasse la lecture? Non mais, vous croyez vraiment que j'ai que ça à glander, hein? Allez, y'en a pas pour longtemps, il faut me trouver un bouquin sur les règles des jeux de cartes du Pays de Galles. Vous croyez que vous avez ça? Les règles des jeux de cartes du Pays de Galles, mais ça va me prendre au moins une semaine à trouver ça dans tout ce patras! Eh bah justement, commencez tout de suite, sinon vous allez encore râler. Mais c'est pas possible d'être con à ce point-là! Ça fait 15 fois que je lis et vous comprenez toujours rien! Mais vous non plus, vous comprenez rien, venez pas la ramener! Mais parce que je cherche pas à comprendre, moi! J'en ai rien à secouer des règles des jeux de cartes du Pays de Galles! Vous me dites, on change de tour! Mais parce que c'est marqué, c'est quand même pas ma faute, non! Après une donne asymétrique, on change de tour! Oui, mais vous m'avez pas expliqué ce que c'est une donne bisextile! Mais parce que ça m'emmerde de vous raconter des trucs comme... Mais ça vous prend souvent de gueuler comme ça, comme des dégénérés! On vous entend dans tout le château, qu'est-ce que vous foutez? Rien. Foutez-moi le camp. Tirez-vous. Tirez-vous! La prochaine fois qu'il vous prend l'envie de gueuler, allez donc faire un tour en forêt! C'est quoi le jeu du pélican? Oh! Non, mais soi-disant, c'est n'importe quoi, que c'est même pas un jeu. Que je connais que des jeux pourris qu'on comprend pas. C'est bizarre parce que c'est facile pourtant le jeu du pélican. Vous connaissez? Je voulais vous demander un conseil d'ailleurs, parce que quand votre voisin de gauche rachète la banque à la moitié de sa valeur, il doit bien donner 17% des artichauts qu'il a gagnés pendant la dernière donne. Ouais. Ouais, mais si vous faites artichette et que vous collez le banquier à moins 6, bah vous pouvez tenter la ritournelle et balancer les annonces. Bah ouais. Donc on est d'accord, artichette, tichette de 2, tichette de 3, tichette de 21, michette. Chedek, Mick, Sgalada Barlan, Résiné et Retournel. Ah ben voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Ouais, on est d'accord, hein. Vous discutez 5 minutes et on rentre. 5 minutes, c'est façon de parler, faut peut-être pas exagérer. Eh oh, vous allez pas me la faire, attention, hein. 5 minutes, c'est 5 minutes. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je peux bien discuter avec qui je peux, on est sortis du camp. Mais le seigneur Lancelot aime pas quand des gens de chez lui discutent avec des gens de Kaamelott, c'est tout. On s'en fout d'être sortis du camp. Oui, mais moi, mon fiancé, il est de Kaamelott, hein. Alors faut peut-être bien que je discute avec une fois de temps en temps. Eh ben, ok, 5 minutes, parce que c'est votre fiancé. Ben, fiancé, on va pas jouer sur les mots, hein. Mais disons qu'en un sens, c'est mon fiancé, mais il le sait pas encore, quoi. Il le sait pas encore? Non mais oh, c'est quoi là? Vous me dites c'est mon fiancé? Mais parce que c'est en train de se faire. Alors ben, c'est sûr que c'est pas avec des rendez-vous de 5 minutes que ça va avancer cette histoire, hein. Ça c'est... C'est une folie, nous allons nous faire oxyre. De quoi? Nous approchons du camp de Lancelot. Si vous avez les jetons, fallait pas m'accompagner. Je vous ai accompagné parce que vous m'avez eu au sentiment. Il faut que je parle à Angarade. Tatati, tatata. Bah oui, c'est vrai, il faut que je parle en garde. Et vous n'avez qu'à la faire venir à Kaamelott, en lieu sûr. Là, vous lui parlerez tant que vous voudrez. Mais elle bosse chez Lancelot, c'est quand même pas ma faute, si. En plus, là, on se voit sur terrain neutre. On n'est pas dans son camp, on n'est pas à Kaamelott. Il paraît que le seigneur Lancelot attaque même hors de sa zone. Il organise des patrouilles. Si on tombe sur une patrouille, je vous défendrai. Ne vous inquiétez pas. Avec Caradoc, on a mis au point une technique pour se battre tout seul contre 120 personnes. Bon, allez, c'est bon, là. Vous avez bien discuté, on rentre. Exactement. Seigneur Perceval, vous m'avez promis d'être raisonnable. Non, mais c'est bon, qu'est-ce qu'on risque, là? Oh, les lopettes, vous arrêtez de fouetter, ouais. Eh ben, ou alors, je rentre au camp, je fais celui qui sait pas, comme ça, vous rentrez à l'heure que vous voulez, et c'est vous qui vous ferez jeter. Mais non, mais... je pourrais jamais retrouver le chemin toute seule. Vous pouvez bien m'attendre 5 minutes, non? Moi, Seigneur Perceval, si j'avais le cran de rentrer à Kaamelott sans vous, ça fait longtemps que je serais parti. Mais on va y aller, oh! Vous prenez pour un enseignant? De quoi? Non, je sentais que c'était le moment de faire une vanne, mais y a rien qui est sorti. Bon, en plus, il faut que je surveille le sentier parce que je dois attaquer à vue s'il y en a une Kaamelott qui se pointe. De quoi? Attaquer à vue? Ah bah c'est les ordres, hein. Garde Kaamelott, attaque à vue. Ah oui, ceux qui pénètrent dans votre campement? Non, non, n'importe où. Et ici? Ah bah ici c'est pareil, hein. S'il y en a un, je l'allume. Hein. Alors c'est pour ça, moi je peux pas faire 50 trucs en même temps. Ça suffit maintenant, on rentre. Seigneur Perceval, si vous ne venez pas tout de suite, je vous attaque. Quoi? Et sous le coup de la panique, ça peut y aller dur. Hein. Moi je serais vous, je me méfierais. Bon, c'est bon maintenant. Si vous venez pas, je vous préviens, je vous caillasse. Mais vous allez nous lâcher, oui? Vous voulez que je me foute en route comme un enseignant? Qu'est-ce que j'ai avec ça, moi? Soit vous venez, soit nous engageons toute notre colère dans ces projectiles! Ah, non, non, moi je parlais de leur jeter de la caillasse. Vous avez de la chance que je sois pas un homme, hein, parce que je vous botterai le cul à tous les deux. Ouais, pareil, vous avez bien de la chance. En plus, je connais une technique pour tuer 3 hommes en un coup, rien qu'avec des feuilles mortes. Alors là, vous êtes deux, vous avez bien de la chance. Vous venez ou vous venez pas? Non, on vient pas! Depuis le début de la crise, il y a beaucoup de groupes qui font des lives sur Internet ou qui nous rendent des choses disponibles. Et une des initiatives que j'ai vues est celle du Centre national des arts du Canada. Ils ont parti le mouvement Canada en prestation. C'est quoi ça? Ben, c'est un fonds d'aide à court terme de 700 000 $ qui sert à financer les prestations en ligne d'artistes et d'auteurs professionnels canadiens. Donc, l'initiative a été lancée en collaboration avec Facebook Canada et ce Centre national des arts en réponse à la crise pour alléger les pressions financières sur les artistes touchés par la fermeture des rideaux à l'échelle du pays et pour redonner le moral aux Canadiens et Canadiennes. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que chaque jour, il y a plusieurs prestations live d'artistes et ces artistes, d'après ce que j'ai pu lire, ils reçoivent chacun 1000 $ pour leurs prestations. Donc, ça le permet de passer un peu au travers de la crise avec un petit peu d'argent. Hier, j'ai écouté le spectacle du groupe Les Deux Luxe. C'était magnifique, de la bonne musique dans une ambiance salon un peu psychédélique. On a d'ailleurs déjà entendu la musique des Deux Luxe dans un Lobster précédent. Donc, si ça vous le dit, allez voir sur le site Les Deux Luxe, leur spectacle est disponible. Sinon, via la page du Centre national des arts sur Facebook, vous pouvez avoir accès à plein d'autres spectacles qui, je dois le dire, ne sont pas tous bons. En surfant hier sur cette page-là de Facebook, je suis tombé sur un artiste qui, lui, nous présentait un genre de spectacle de mouvement perpétuel en danse. Donc, pendant 20 minutes, l'artiste s'est habillé d'une robe à foufou, tourne en rond en refaisant le même mouvement de danse. Déjà de le voir faire 4 ou 5 fois le même mouvement de rotation, j'étais tanné. Imaginez pendant 20 minutes. Sinon, il y a plein d'autres artistes d'un peu partout au Canada, il y en a pour tous les goûts. Maintenant, pour terminer ce Lobster, un spectacle. Un opéra rock, en fait. Encore de quoi trouver dans Facebook. Ça s'appelle « Viens avec moi », c'est le nom du spectacle. Ce spectacle, qui est un opéra rock, raconte l'histoire d'un groupe de musique alternative acadien et d'un jeune homme participant à une émission de télé-réalité musicale, fortement inspirée du parcours de Wilfred Le Boutillier. Moi, j'ai bien aimé les chansons de cet opéra. Plus le spectacle avance, et plus c'est rock et plus c'est bon. Il y a aussi la chanteuse des Deux Luxe qui participe à ce spectacle, c'est comme ça que je suis tombé là-dessus. Donc, on l'écoute. C'est sûr que si vous êtes à la maison, vous pouvez l'écouter avec images en direct dans Facebook. Sinon, on l'écoute ici pour les chansons. Donc, je vous souhaite un bon confinement. On se reparle bientôt. Quand il y a eu le premier cellulaire, te rappelles-tu de la grosse boîte qu'il y avait? Sorti, yeah. Sorti de Gettysburg. Merci, monsieur. Passez belle journée. Okay. Bye bye. All right, bye. 9h47, on prend une autre pause, on revient à la discussion à Parle-Parle Jazz-Jazz. Parle-Parle Jazz-Jazz, PPJJ. L'unique, l'original et la meilleure tribune au sud-est du Nouveau-Brunswick. Pour nous joindre, composez sans frais le 1-800-297-0030. Êtes-vous ben assis? Avez-vous les oreilles ben nettoyées? Parce que ça start. Salut tout le monde! Attention, téléphone, c'est Kevin! Y'a-tu quelqu'un qui a vu Michel le matin? They're hungry! recherche mes bottes. Où ceux qui ont caché la peau. C'est la première fois qu'on sort de la péninsule acadienne, pis c'est le fun. On s'est rendu au bar de deck Edmondson, pis est rempli jusqu'au top. Ok, le stage est pas haut, pis le monde chante à trois pieds de la face. Hey Chanel, t'es dans ma bulle là. Mais c'est correct, parce qu'on dirait que le plafond va blower, pis le party est pogné. C'est vrai que ce qu'ils disent, hein? Edmondson is the place to be, comme ça les braillons. Même la gérante nous envoie des sous Jameson pour nous tuer de bonne humeur. Hey merci Stella pour les shooters. Mais ce qui me fait plus triper, c'est le petit coup en avant. Dans leur soixantaine, ils ont mangé des champignons. Alors après qu'ils sont venus nous voir, ils ont venu nous parler de Doors pis Pink Floyd. Ils ont même comparé eux autres. Hey j'ai dit, ils ont fait une poignée dans les souliers pis le compliment fait du bien entendre. Mais c'est quoi ce que c'est? Ils ont dit que c'est dans les années 70 que ça se passait. Ils ont dit que c'était avant les 70s. J'ai ok les 70s. Mais check à l'entour de vous autres. Ça se voit que ça se passe! Alright! Est-ce que tout le monde va dans les Doors? La terre, ouais. Son père, il a offert une terre sur le bout de la rivière à Tracadie. Puis, mon bon Serge, lui, là, il rêve depuis qu'il est tout petit d'être une rock star. Ouais. Même plus qu'avoir l'amour de sa douce moitié, même tout ce que sa bande peut y apporter, il pense à ça depuis qu'il est tout petit. Ben, c'est pas un mauvais gars, là. C'est un qui est naïf puis il n'a pas sorti souvent de la péninsule acadienne. C'est pour ça qu'il a la tête pleine de rêves, il ne sait pas. Il pense qu'il sait, mais il ne sait rien. Il pense qu'il est capable d'aller au bout de toutes ses idées en passant par le chemin de terre au lieu du chemin de pave, en passant par l'underground, comme les vieux de la vieille. Il a toujours été un gros travailleur, par exemple. On va voir ce qu'on va voir. Madeleine, 21, turn around, 3 semaines de bus, 3 semaines dans le bus pour 7 jours dans tes bras. Du fin fond du Québec, chaque soir, je rêve à toi. On vit pas pour tout de suite, on garde ça pour plus tard. Mais crois-moi, ma douce, ça vaudra son pesant d'or. Dans un petit paradis sur le bord de l'eau, dans un petit paradis sur le bord de l'eau, dans un petit paradis sur le bord de l'eau, dans un petit paradis sur le bord de l'eau. Un jour, je vais faire un hit, pas juste un hit d'acide. Je vais topper le palmarès, tu croiras pas tes yeux. Je vais perdre 30 livres de graisse. Je vais t'acheter des flat screens, une cuisine IKEA, baby living the dream. En sur la rivière à Shiloh. Un petit château dans le fond de moi pour toi pis moi. Un range pour tous les chevaux, un lac pour le dauphin. Pis si t'es consentant, je fais revers les seins. T'inquiète-toi pas ma belle, je vais fermer ma grand gueule. Je vais chanter comme Louis-Jean, je vais devenir coach pis faire de l'argent. Du dimanche soir. C'est plus comme avant, hein? Moi, je me rappelle quand il y avait rien que trois postes à la TV. Dans ce temps-là, tout le nord du Nouveau-Brunswick puis la péninsule acadienne, ça regardait les beaux dimanches. Mais depuis qu'on regarde plus la TV avec des oreilles de lapin, c'est plus pareil. Les postes d'histoire nous montrent des shows à l'âge de troc, puis les postes de musique, c'est rien que des vidéos de YouTube avec du monde qui prennent de debat. Le beau grand rendez-vous du dimanche soir, ben, c'est plus comme avant. Le beau a évolué. Le beau s'est rendu des concours de chanteux. Ben, c'est là que Kevin a pris son inspiration. C'est pas de sa faute. Ces émissions-là sont assez bien bâties. Ça te pointe par les émotions à tout coup. Je regarde à la télé un gars pareil comme moi, un électricien, un charpentier, introverti, un peu gêné, pis là il s'en va faire une audition. Pis à chaque fois je pogne le mouton quand il monte un bout de vie dans un clip au ralenti. Son père a le cancer, sa mère est morte, puis sa blonde fait de l'insuffisance rénale. Il y a tout le poids du monde sur ses épaules. Sauf quand il chante. Sauf quand il chante. Là, c'est la vraie patente. Il est sur le stage, caméra d'en face, les lumières qui le blindent, puis la foule en silence. Attends, je sens nerveux, puis je suis moi aussi, sur le bout de ma chaise, on se met à chanter. J'ai le cœur qui pompe, je sens la montée, je sais que ça sent bien. Jusqu'à la pointe des orteils, quand on chante tous les deux en post-sonna. Je suis pas plus fou qu'un autre. Moi aussi, moi, les faire les auditions. Même si ma blonde est en vie, que mes deux parents sont en santé, j'ai quelque chose à partager. Je suis un pêcheur de crabes, puis j'ai le mal de mer. Si je le chante, le monde va le comprendre. Mais si je pousse la note, le monde va le sentir. Moi aussi, je peux pousser ma note. Je vais pousser ma note. Il va pousser sa note. Je vais pousser ma note. Il va pousser sa note. Je veux la pousser, je veux la pousser. Soupe faite avec des ingrédients d'un peu partout en Acadie. C'est comme si tu versais un pot de palourdes broquées dans du fricot au poulet. Puis Serge, c'est la louche qui brosse le chaudron. Serge a convaincu les hôtesses d'Hilaire de mettre le cash dans le même panier puis de s'acheter un gros boss. Il cache bien son jeu, le Serge, parce que lui a compris qu'il faut mettre autant d'énergie puis de travail dans l'image que la musique. So, ils l'ont acheté, ce boss-là. Puis dedans, ils ont installé des lits, un fridge, ben, toutes sortes d'affaires. Puis dehors, ils ont peinturé un gros homard dessus. Puis rien que de même, ils sont partis conquérir le Québec. Fake it till you make it. La demande. Les usines à Starlet produisent et produisent. puis les concours de karaoké glorifient la télé vendent l'illusion. L'illusion que chacun et chacune des participants sont destinés à devenir des grandes étoiles. Les pauvres qui mangent du rêve se masturbent les cordes vocales pendant que quatre clowns spinent sur leur chaise en hystérie pour les caméras, comme si ils venaient d'entendre l'incarnation des Delpiaf si pour monnaie derrière eux. Et nous autres, pendant ce temps-là, nous autres, on est devenus des marchands de distraction. L'art est dans l'art de vendre son art comme du divertissement. Vendre des frissons, vendre des souvenirs, vendre des moments photogéniques, vendre une expérience. En voulez-vous des frissons? On va vous en vendre des frissons. Sentez-vous ça? C'est les frissons! All in the bus, call is the bus, all in the bus, call is the bus, all in the bus, call is the bus, all in the bus, call is the bus. La télé-réalité, une journée tu chantes dans ta douche, puis le lendemain tu chantes dans la TV. Il y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Il y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Il y en a qui fument des petits bouts, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis ben partout quand je mange. Quand je m'ennuie, moi je mange. Même dans mon lit, moi je mange. Mais il y a des jours où je suis complexé. Je me trouve pas ben ben sexé. Quand je me regarde le profil dans le miroir, j'irai me cacher au fond d'une armoire. C'est pas fait, là. C'est comme pas. Tiens. Mesdames et messieurs, le Québec a choisi le grand gagnant cette année à Boost à Nantes, Kevin Thibodeau! J'ai gagné! Ça a commencé avec les auditions à l'aveugle. J'étais stressé, mais ça a bien été. Les quatre coachs ont spiné sur leur chaise. Ils sont tous tournés pour moi. Hey, j'étais content, mais là, ça, c'était rien que le début. Après ça, ils m'ont envoyé dans le ring de boxe. Ça, c'était pas facile. J'étais face à face avec un autre chanteur, puis il fallait que je chante de tout mon cœur. So, j'ai pris toutes les notes

Ah, garde la voir, la Julia. Elle prépare son prochain poney. Rencontrer backstage au Centre Bell.

les spots me brûlent, le monde qui hurle, c'est ma récompense, c'est ma dépendance. Comme un robot, chante, chante, chante applaudissant, chante, chante, chante, peut se mettre le monde cri. Le show est fini, deux, trois sorties, puis après, le silence qui revient. J'aimerais faire un voyage, voyage, voyage, voyage. Sortir de ma tête, plonger dans mon ventre, monter vers le ciel. Couché sur le dos, au-dessus de l'horizon, plus besoin de mes chansons. Dans une couche parallèle, où la gravité serait discrète, où la création serait libre, où le concept d'être rentable serait futile, où je pourrais flotter entre les notes, entre les mots, entre les silences. Allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Thank you. bonjour, vous êtes en nom de papa Jean-Jacques. Oui, bonjour, vous êtes en nom de papa Jean-Jacques. Oui, baissez votre radio, s'il vous plaît. Baissez votre radio, s'il vous plaît. Oui. Moi, je compte ça, mais il allait aller prendre encore les pauvres. Baissez votre radio, s'il vous plaît, monsieur. OK, là? Bon, oui. Là. OK. Il allait aller encore prendre les pauvres. C'est là qu'ils sont sous 50 000 ou sous 40 000 ou 30 000. Ouais. C'est les millionnaires qui... Allô? Oui, c'est moi. À Cabano. Ben, parce que le différentiel du boss a lâché. Ouais, je sais, il commence à coûter cher, ce boss-là. Bon, ça va, là. Me questionne beaucoup, là. Ben, je veux dire, Madeleine, j'ai pas l'impression que j'exploite mon potentiel à son maximum, là. Ben, Madeleine, je me vide la bière sur la tête, puis je porte des robes. Je suis rendu une caricature de moi-même, aussi. Bon, ouais. Ben, j'aurais pu faire comme mon petit frère, aller étudier en nursing, aller travailler en Afrique, faire quelque chose de concret. Ouais. Ouais, oui. Ben oui. Les gars vont bien, les autres, ils se questionnent pas, là, c'est tout la même affaire, musique, là. Moi, j'ai envie de faire péter la baraque. Ben, je sais pas, moi, Madeleine, on a été à Belle-et-Bombe, pis personne n'a guéri, tout le monde en parle pas de nous autres. On a même été nominé à la 10, pis on a pas pu gagner. Ah, oh, c'est le gars qui battait sa femme qui a gagné, ouais. Ouais. Ah, je sais, là. Mais, tu serais pas bien, toi, Madeleine? Un petit peu plus de confort? Un chalet? Ça semble un petit peu plus de luxe? Oui, je sais, c'est pas pour ça que je fais ça. Ah oui, je m'ennuie. Ah oui, ben oui, je t'aime. Écoute, Madeleine, là. J'ai pas dit à personne, là, mais je lâche la bande. Je m'en vais solo. On va faire un album. Essayer de faire une petite pause de cash. Je commence à être tanné de viser ça à 5. Ouais. OK. Ouais. Jamais que la poule, c'est de la crise de marde. La poule, c'est de la marde, mais si tu m'as fait crier, je dis pas non. La poule, c'est de la marde, mais si tu m'as fait crier, je dis pas non. J'aime la poule, j'haïs la poule, je peux pas me la fermer, je peux pas me bander. La poule c'est de la marde, et si tu m'en fais plus, je suis pas non. Non, j'aime la poule, j'haïs la poule, veux pas me la fermer, écoute moi chanter. Ouais, la poule c'est de la marde, si tu m'en fais plus, je dis pas non. Non, hey, check le clavier risque, check le clavier risque. Non, mais c'est vraiment bien. Ouais, hey, toi, tes doigts vont pas plus vite que Stéphane. Hey, moi, tu dans les dépêches, chum, hein. Merci Michel. Et ça, Michel! Voilà, Maxence! On est tous des chums, hein! On s'en va, je suis content! C'est bon! On s'en va, je suis content! En voulez-vous un autre? En voulez-vous un autre? Et puis, Lisa, on a fait un autre. Forcez là, par contre, on a fait d'autres fois, là. Hey, boys, let's go. Forcez là, bando. Et moi, les filles, attends, forcez là, très fort. Let's go. Quoi? Voilà! $5,944 très exactement. 35, de l'argent de nos taxes provinciales, ouais. Nos impôts. Et ça, c'est de. C'était financier, des subventions québécoises. Oui. Ce qui est le fun avec les hôtesses d'Hilaire, c'est que c'est un groupe acadien. Le gars porte une robe mauve. Ça fait que non seulement ils sont pas bons, mais ils sont laids. Thank you. l'hôtesse d'Hilaire, Serge Egan. Puis Kevin, lui, il répond plus à ses courriels. Même pas à Julia. Il a fait comme le fantôme à Aquila. Pouf! Il a disparu. Julia est obligée de canceller ses derniers shows. Ses fans sont déçus. La rumeur est que Kevin a retourné back par chez eux, puis il s'est caché sur son oncle Jean-Hude. Julia et elle, elle sort pas souvent d'Outremont. Ben là, elle a pas eu le choix, parce qu'elle investit trop de temps dans son houmor doré qui donne des œufs en or. So, elle a jumpé dans son jet privé, puis elle a atterri à Tracadie direct sur le perron Jean-Hude. Elle a un plan. Elle veut y brosser la cage, puis mettre un peu de bon sang dans la tête. Ben, du bon sang. Selon Julia. Kevin! Kevin! Truth be told, I don't need you. Je peux acheter des hits, des algorithmes. Ça coûte pas cher de la musique faite par des robots de nos jours. Pis toi, ben, tu m'appartiens, mon beau. I could slap your name all over those songs and keep the millions for myself. But that's not the way I want to do business with you, mon bébé. You're my special little project. Je te donne une cote, mais il faut que tu suives à la lettre ce que je te dire de faire. Imagine, tu pourrais être le premier Acadien avec son propre spectacle à Las Vegas. But first things first, avant Vegas, ça prend un hit. La meilleure façon selon moi d'écrire un hit international sans se casser la tête ces barrières de langue, c'est les onomatopées. C'est fresh, ça se vend comme des petits pains chauds à des publicités de char. Ah, oh, puis mon Kevin, je me disais, ça prendrait une danse, là, munie d'une catchphrase. Me mettre quelque chose en anglais, quelque chose comme... Put your hands in my heart, spread the love. Wow. C'est buzzant, le Las Vegas, puis... Écoute, je sais pas comment dire ça, je veux pas que tu le prennes mal, c'est juste... Je suis comme plus là. Puis il y a le band à mes cousins, les hôtesses d'Hilaire, ils ont perdu leur chanteur, ils m'ont demandé de le remplacer. Les boys, Julia. Julia, les boys. Ça. Ça, c'est Michel. Allô? Fils à ma tante Noëlla, c'est Maria Casaria, le frère de mamie, tant qu'ils sont avec Tifonce. Tifonce, ça donne le frère de la blonde du père Aléane. Puis le père à Steven, qui s'est tué en haut du camp d'armée, puis a donné son rein à Miko. Ouais. Fait techniquement, Miko, c'est pas notre cousin, mais il a le rein à Steven. Fait que. C'est qui, lui? Le cousin, ce gars-là. Ah, ton cousin. Ouais. Cousin, ce gars-là. Puis il y a Maxence, qui est le fils de mon demi-frère. Ça donne à être mon cousin puis mon neveu en même temps. Mais on joue au vieux célibat à Tracadie. Viens nous voir. Puis je m'excuse pas, je dépense au cash, puis je règle les comptes. Ils ont pas d'eau, ils ont pas de limite, ils ont pas de scrupules, des vrais sensus. Manger toute ta chance. La marionnette prend sa retraite, le petit valet prend ses vacances, la vache à l'air, on ferme la boutique. Manger toute ta chance. You're so good! J'ai fait le beau, j'étais dressé, j'ai obéi, j'étais soumis. J'ai même chanté dans l'autotour, le répensé, la joke finie. Manger toute ta chambre, manger toute ta chambre! Puis t'as plus de chum, puis tu perds ton public. C'est la pire des pénitences pour un gars comme Serge. Lui, il était habitué de chialer. Puis quand il y avait les hôtesses dealers derrière lui, le monde se déplaçait pour venir l'écouter. Mais là, depuis qu'il chiole tout seul, c'est comme un arbre qui tombe dans le fond du bois. Anyway. Il a pas perdu son flair pour trouver du monde comme lui. Du monde qui aime ça, s'entendre parler. Puis dans les fameux cocktails des événements culturels, ben Serge trouve tout le temps du monde avec qui parler. Puis si personne n'écoute, ben il parle pareil. Attendant ma mort, entre les shows pis les petites villes. La musique, je la sens plus dans mon corps, c'est le pilote automatique. J'suis né après mon temps, j'voudrais être en 68. Y'a trop d'amuseurs, c'est assommant, à cette heure y'a trop de musique. L'érotisme est mort. J'suis complètement vidé. J'attends le last call. Viens avec moi. Je joue pour avoir ma passe, pour la vie de coulisse. Là, la neige tombe, le monde jase fort, puis le monde jase dans le vide. Quand le soleil se lève, les sinus bien bouchés, c'est là que je vais me coucher. Avec n'importe qui, pourvu que je suis pas seul, je peux pas m'arrêter. L'érotisme est mort. Tu sais-tu qui ce que je suis? I'm too legit to quit. J'suis pas un wannabe. Not me, no, no, no. Allô, allô, allô! Prépare un contrat. Big Mama a pogné un gros poisson. Mon Dieu Seigneur, que du talent, toi! T'es-tu représenté au Canada? Je peux-tu te... C'est du 5-8, hein? Ça me fait penser à du Munir Bashir qui fait l'amour avec du Gentle Giant. Ça me rappelle assez mes voyages au Moyen-Orient. C'est fou comme c'est riche, le mouvement d'art orientaliste. C'est tellement méconnu en Occident. Tu sais, c'est important de définir son art. Moi, personnellement, j'aime l'art post-conceptuel. Ta musique, tu la définis comment? Tu te trouves où là-dedans? Penses-tu que t'es capable de définir ton son? Penses-tu que tu as une identité musicale? Penses-tu qu'un jour tu vas vivre confortablement de ton art? Penses-tu? solo, c'est fini. Les longues intros, c'est fini. Le monde sont rendus trop ADD à star. T'as juste 15 secondes pour vendre ta toune. Des lignes comme ce site, c'est fini. Le monde écoute plus une toune, deux, trois fois pour la comprendre. Toi pis ta belle gang gang, vous plongez sous la croûte terrestre. Même tes bars pis tes petites salles de spectacle, ça tombe comme des mouches. T'es juste un wannabe du underground. Moi j'peux te sauver, moi j'peux t'amener dans le droit chemin. J'vais te mettre dans le hot seat. On cherche un coach, chant gauche, rocker pour venir rajouter du piquant à la sauce. Ça cure de tes intox, ça va établir une mission. Ça va être big baby. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le nouveau coach de l'émission pousse ta note avec son nouveau hit Obstacle émotionnel, disponible sur toutes nos plateformes. Un fier Acadien, un dur au cœur tendre, un rocker dans l'art. Veuillez accueillir chaleureusement Serge Rigo. We'll be right back. que j'ai dit. Tu changes ta vie. Je me suis regardé dans le miroir. Je me suis parlé dans le blanc des yeux. Je me suis dit les vraies affaires. J'ai pris l'emprise. Je l'ai lancé dans le coin. J'ai bouché la bouteille. Je lui ai dit, toi monsieur, à soir c'est le soir. À soir c'est le soir. C'est soir, c'est soir, c'est soir, c'est soir. Tu changes ta vie. Je change ma vie. Il change sa vie. Je change ma vie. Il change sa vie. Je change ma vie. Yeah. C'est fini, c'est fini. Yeah. C'est fini, c'est fini. Yeah. À cet moment, non. Technicien. Merci tout le monde, merci Québec, merci, merci, merci. Merci beaucoup tout le monde. C'était tout un honneur. C'est la dernière fois qu'on fait l'Opéra Rock devant vous autres. Merci beaucoup. Je m'en rendrai à nos amis, à Benoît Bouchard, qui était aussi un collaborateur aux musiques et aux textes, au son, de venir à la scène. Kevin McIntyre. Arnaud, je misais avec ton nom de famille. Annick Beauvais aussi, qui était directrice de prod. Venez-vous-en. Merci. Michel Fortin, à la scénographie. Et à toutes. Serge Brideau puis les hôtesses d'Hilaire, tout le monde. Merci tout le monde. J'aimerais dire un gros merci au Trou du Diable qui nous ont permis de filmer ce soir. Merci à Julien Leblanc puis à toute la gang qui est venue filmer ça. Merci à Louis Armand Bombardier puis à L.A.B. qui nous ont permis de vivre ce rêve-là. On était supposé de faire 5 représentations. On en a fait 13 en tout. C'était malade. Merci à vous autres à supporter de la musique. Merci à Nick. Bon, ben, bonne soirée. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange. Quand je m'ennuie, moi je mange. Même dans mon lit, moi je mange. Et y'a des jours où je suis complexé. Je me trouve pas ben ben sexy. Quand je regarde le profil dans le miroir, j'irai me cacher au fond du juste ben quand je m'en...